fait un froid de chien. Ma fille a pleuré cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains. Sur les vitres pleure la pluie. Une cendre tombe, un camion donne un coup de foin. Oui, je serai presque reparti. Le rétroviseur me joue du bleu turquoise pour rien. Mes yeux ne savent même plus mentir. Drôle de métier. Oh, drôle de métier. Oui, il y a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accrochés. S'est endormi entre deux mots. Bah, tant mieux, plus besoin de parler. Je vais brouiller l'image, couper le son de ma radio. J'aurai même plus besoin de penser. Je vais rouler le plus longtemps possible sans mettre les lumières. Jeu de con, bon jeu de con, bah, je peux bien m'arrêter, boire une bière et voir des gens normaux sourire. Ouais, drôle de métier. Ouais, drôle de métier. Ouais, y'a des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accroché. Pas de prime de risque pour la déprime dans mon métier. Non, pas de cadeau, pas de coup d'éponge. Comme un cheval aveugle poussé dans un terrain miné. Le cœur bien accroché.